Leçon 4. Exercice 18. Mettre en valeur. Exemple. Mon sens des responsabilités est apprécié par mes collègues. Ce que mes collègues apprécient, c'est mon sens des responsabilités. À vous. Le dimanche, j'aime surtout me retrouver avec des amis. Ce que j'aime surtout le dimanche, c'est de me retrouver avec des amis. Attendre des heures, je trouve ça très difficile. Ce que je trouve très difficile, c'est d'attendre des heures. Arriver en retard au spectacle me met très en colère. Ce qui me met très en colère, c'est d'arriver en retard au spectacle. Le regard des autres hommes sur elle me rend très jaloux. Ce qui me rend très jaloux, c'est le regard des autres hommes sur elle. Travailler en équipe a ma préférence. Ce que je préfère, c'est travailler en équipe.